الحمد لله الحمد لله العظيم المتعال ذي العظمة والكبرياء والجلال له الأسماء الحسنى والصفات العليا ونعوت الكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطاء والفضل والنوال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله طيب الشمائل كريم الخصال صلى الله وسلم عليه وعلى صحبه وعلى الصحب والآل أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه سبحانه وتعالى مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه وعظموه بقلوبكم وعظموه بقلوبكم فإن تعظيم الله جل وعلا من أعظم العبادات وأفضل القربات القلبية وأشرف أعمال القلوب أيها المؤمنون إن القلب المعظم لله سبحانه وتعالى هو الذي يقدره حق قدره ويعظمه حق تعظيمه هذا قلب سعيد في الدنيا والآخرة وإذا كان القلب معظما لله سبحانه وتعالى عظمه العبد في شرعه في دينه في كتابه وعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وعرف حق الله وخضع له سبحانه وتعالى عباد الله اعلموا أن من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيم العظيم قال سبحانه وهو العلي العظيم وقال تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم فهو جل وعلا عظيم في أسمائه عظيم في صفاته عظيم في أفعاله في كلامه في شرعه سبحانه وتعالى ويستحق من عباده حق التعظيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فلا يستحق أحد التعظيم الكامل والتكبير والإجلال غير الله سبحانه وتعالى فعلينا عباد الله أن نعظم ربنا ومولانا وسيدنا سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا وأفعالنا فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى نخضع لأمره وحكمه الشرعي والكوني ونسلم جميع أمورنا إليه تبارك وتعالى ونحترم ما عظمه من الأمكنة كالمساجد والأزمنة والأشخاص والأعمال عباد الله ومما يعين العبد على تعظيم الله تبارك وتعالى وتحقيق هذه العبودية التفكر في مخلوقات الله العظيمة التفكر في مخلوقات الله العظيمة وآياته العجيبة فإن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق وقوته وعلمه وسلطانه تبارك وتعالى. لذا قال تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظموه حق تعظيمه. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الآيات، ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي براهين واضحة على عظمة الخالق. فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فالتفكر في عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى يهدي العبد ويسوقه إلى تعظيم خالقه تبارك وتعالى. إذا تفكر في الأرض ثم نظر فوقه إلى السماء وسعته، ثم نظر ما يحيط به من الجبال، أورثه ذلك حق التعظيم. يقول الله سبحانه أو الله تبارك وتعالى بيّن لنا هذا وأرشدنا إلى ذلك في كتاب الكريم، فبيّن عظمة السماوات وسعة الأرض، ثم بعد ذلك في القرآن أيضا بيّن سعة الكرسي وعظمة الكرسي. وأعظم من كل هذه المخلوقات العرش، قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، والعرش فوق السماء والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه ويعلم ما أنتم عليه. فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظم الرب في الركوع، وقال: أما في الركوع فعظموا فيه الرب. وكان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى دين الله وأن نتفقه في معرفة الله، فإن في هذا الخير كله والسعادة كلها. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، il nous faut craindre Allah tabaraka wa ta'ala comme il nous l'a ordonné dans son livre dans de nombreux versets. Nous devons ressentir qu'Allah azza wa jal nous surveille, nous voit et nous entend. Et nous devons savoir que plus tard nous reviendrons vers lui pour être jugés, questionnés, et que la finalité de chacun d'entre nous sera soit le paradis, qu'Allah nous facilite cela, soit l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Nous devons émanciper Allah azza wa jal de par nos cœurs, de par nos langues et nos actions. Et sachez que cela fait partie des plus grandes adorations du cœur et des actions les plus aimées d'Allah Azza wa Jal. Le fait de considérer Allah Tabaraka wa Ta'ala et de l'immensifier au maximum est une des adorations du cœur qui plaît à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu l'immensifies en reconnaissant que c'est la seule divinité qui mérite l'adoration, que c'est le Créateur tout-puissant, parfait. Tu l'immensifies en respectant sa religion, en la mettant en pratique, en lui obéissant dans ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Tu l'immensifies en suivant la sunna de son prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'immensifies en te soumettant devant ce qu'il décrète et tu te montres endurant. Tout cela fait partie des actions qu'Allah Azza wa Jal aime. Et celui qui trouve cette adoration dans son cœur verra ce que ça affectera ses paroles, verra que ça affectera ses actions. Il se soumettra à Allah tabaraka wa ta'ala, ne dira que ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala et se montrera endurant. Il ne fera que ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala et retiendra ses membres de toute désobéissance. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Azim, l'immense. Al-Azim, ceci fait partie des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, wa huwa al-ali al-azim, c'est lui le très haut et l'immense. Donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Azim. Il est donc l'immense, il a l'immensité absolue dans l'ensemble de ses noms, dans l'ensemble de ses attributs, dans l'ensemble de ses actions, dans l'ensemble de ses paroles, dans sa législation, dans ses ordres et ses interdits, dans ce qu'il décrète, dans ce qu'il décide. C'est le plus immense dans tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, et lui-même est immense, plus grand que toute chose, plus immense que toute chose. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en son livre, ils ne l'ont pas estimé comme ils le devaient, ils ne l'ont pas estimé comme ils devraient l'être, alors qu'il fera de la terre tout entière une poignée le jour de la résurrection, et il pliera les cieux dans sa main droite, il est exempté de ce qui lui associe. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, un savant parmi les gens du livre est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ô Muhammad, on trouve auprès de nous, c'est-à-dire dans la Torah ou bien dans nos livres, qu'Allah va mettre, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les cieux sur un doigt, l'ensemble des terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau et la terre sur un doigt, ou ce qu'il y a sur le sol sur un doigt, et l'ensemble des créatures sur un doigt. Et il dira, Allah subhanahu wa ta'ala, je suis le maître. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à sourire. Il s'est mis à sourire pour montrer la véracité, pour acquiescer les dires de cette personne. Ceci nous montre la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a resté ce verset. Et ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Et alors qu'il fera de la terre tout entière une poignée et qu'il pliera les cieux. Donc ceci, Allah Azza wa Jal va faire de toute cette création qu'une poignée. Ça nous montre qu'il est immense, tabaraka wa ta'ala. À partir de là, nous devons de l'immensifier et de lui reconnaître les qualités les plus parfaites et les plus immenses. Ça ne doit pas être qu'une parole, mais ça doit se voir dans nos actions au quotidien, dans nos paroles, dans nos actions et dans l'état du cœur de chacun d'entre nous. Lorsqu'Allah te donne un bienfait, tu dois te montrer reconnaissant. Lorsque tu tombes dans un péché, tu dois te montrer repentant. Tu dois également te rappeler d'Allah Azza wa Jal, le louer et ne jamais l'oublier, subhanahu wa ta'ala. Tu dois te soumettre devant chacun de ses ordres et ne pas lui désobéir. Tu dois accepter sa législation et t'y soumettre. Tu dois respecter ce qu'Allah a émancipé comme endroit. Par exemple, la mosquée, comme personne, comme les prophètes, les gens de science, les moments, comme le mois de Ramadan et les mois sacrés. Tout cela en signe d'immensification de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui nous aident à considérer Allah, azza wa jal, à l'immensifier et à l'adorer comme il se doit, le fait de méditer sur la grandeur de ses créatures. Lorsque tu vois la vasteté de cette terre, lorsque tu vois la grandeur du premier ciel, alors qu'il y en a sept en tout, lorsque tu vois ce qui t'entoure comme montagne, comme mer, et tu sais que c'est Allah Azza wa Jal qui a créé tout cela et qu'il est plus immense que tout cela, alors naîtra dans ton cœur l'immensité pour Allah Azza wa Jal. Tu auras peur de lui, tu les respecteras, tu auras peur de lui désobéir, car tu sais que c'est le plus immense, le plus grand, subhanah. Il nous dit dans le Coran, donc selon la traduction, qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas vu comment il a créé cette chose superposée et a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe? Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Allah Azza wa Jal nous appelle à l'immensifier. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous appelle à le glorifier et à revenir vers lui en méditant la grandeur de ses créatures. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne dans le Coran que Al-Kursi, est plus vaste que les cieux et la terre. Sachant que l'arche, le trône, est plus immense que le kursi. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus immense que tout cela. Il nous faut donc méditer les créatures d'Allah azza wa jal, afin que naisse dans nos cœurs l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous le recommande dans le Coran. Allah nous appelle à cela dans le Coran en nous disant, il y a certes dans les cieux, la terre et la succession de la nuit et du jour des signes pour les gens doués d'intelligence. C'est-à-dire que toutes ces créatures nous poussent à reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, l'espace qu'il y a entre le premier ciel et le deuxième ciel est équivalent à 500 années. Puis l'espace qu'il y a entre le deuxième et le troisième, pareillement. Et il a dit cela jusqu'au septième. Puis il a dit, et l'espace qu'il y a entre le septième ciel et le kursi est équivalent à 500 années. Et le arche, le trône est au-dessus de tout cela. Et Allah est au-dessus de son trône. Donc Allah est élevé au-dessus de tout ça. Et il est plus immense que l'ensemble de ses créatures. Toute cette connaissance doit te pousser au serviteur d'Allah à délaisser la désobéissance d'Allah, à te diriger vers son obéissance, à accepter sa religion et t'y soumettre. Où sont ceux qui manquent de respect à Allah tabaraka wa ta'ala? Où sont ceux qui l'insultent et se moquent de sa religion, de son prophète, ou de ses signes ou du Coran? Ont-ils estimé Allah comme il devrait l'être? Où sont ceux qui délaissent la prière et la retardent? Ont-ils estimé Allah azza wa jal? L'ont-ils estimé comme il le mérite? Où sont les femmes qui délaissent les prières à l'heure, qui enlèvent le voile et désobéissent Allah azza wa jal? Ont-elles estimé Allah azza wa jal comme il le mérite? Où sont ceux qui délaissent la prière en commun durant la semaine et ne reviennent que le jour du vendredi? Ont-ils estimé Allah azza wa jal comme il devrait l'être? Toute personne qui a un manquement dans l'adoration d'Allah azza wa jal a un manquement dans la considération et l'immensité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et plus la personne connaît Allah, plus elle l'immensifiera. Plus la personne connaît Allah à travers ses noms, à travers ses attributs, et en méditant la grandeur de ses créatures, plus il connaîtra Allah tabaraka wa ta'ala, le craindra, s'éloignera de sa désobéissance et se dirigera vers son adoration subhanahu wa ta'ala. Plusieurs personnes ont des proches qui sont malades. Il y a un frère dont l'enfant est entré à l'hôpital, il vous demande de faire des dua. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-farrija an marda al-muslimin. Il y a des personnes qui sont endettées qui vous demandent de faire dua pour eux, et toute personne éprouvée. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa bi sifatihi al-ula wa huwa al-hayyu al-qayyum arhamur rahimin أن يفرج عن جميع المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وهو الحي القيوم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إني أتوسل إليك بحبي لتوحيدك. اللهم إني أتوسل إليك بحبي للعلم. اللهم إني أتوسل إليك بتدريس الناس توحيدك أن تشفي أمي وأن تشفي سائر مرضانا ومرضى المسلمين. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.